Ah, Roland Garros, Goffin le Belge a perdu. À France Inter, Alex le Belge est déçu. Des bises à Clara Dupont-Monot de mon cœur ce soir, l'élu. Mais oui. Fallait le faire. Hein. Ça ne veut rien dire, mais ça a l'air joli. Bon, Laetitia Gaillet, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, Charline, si elle était là? Elle dirait, allez, c'est parti, on va écouter la vraie information de l'univers. Allez, c'est parti. Non, on va écouter comment on a préparé l'émission ce matin. Ah, c'est ça. Salut les amis! Salut Alex! Ah bah elle est pas là Charline? Non, on sait pas où elle est. Ah bah ok. Salut les amis! Ah, salut Guillaume! Ah bah elle est pas là Charline? Non, non, on sait pas où elle est. Ok. Salut les amis! Ah, salut Juliette! Bah elle est pas là Charline? Bah, non, c'est pas où elle est! Ok, bon bah je me mets à son bureau. Bah tranquille, ah, mais toi tu. Oh, il y a un mot! Oh merde, ça doit être ses dernières volontés! Non! Mais oui! Bon alors, les amis, oui, je suis très malade, je ne pourrai pas être des vôtres. Bien sûr, elle veut regarder le Belge à Roland Garros! Je vous propose donc de faire comme ceci. Et bien sûr, elle est pas là, elle décide. Guillaume, tu fais les lancements du journal. Ok, d'accord. André fera l'interview musicale. Et Juliette s'occupera des sujets. Bien sûr, et moi je compte pour rien. Mais... Enfin, Alex, vu son talent naturel, n'aura pas de mal à me remplacer. Elle a tout à fait raison, c'est à moi que revient la tâche de porter cette émission à bout de bras si elle est malade. C'est moi le chef. Mais, quoi? Juste... Ne laissez pas Alex être le chef. Ah, bah... Le seul chef ici, c'est moi. Voilà. Elle pense à tout. Bis à vous et aux auditeurs, Charline. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Comme il prend son pied là. Vous écoutez, l'émission qui rend l'actualité malade. Bravo, au point d'en perdre sa présentatrice. Oui, peut-être un peu trop. Et voici quand même les trois informations qu'on va tenter de guérir ou d'achever d'ici 18h. C'est le printemps et même c'est le printemps français. C'est la conclusion que tire toute la presse internationale quand elle observe notre pays aujourd'hui et ce bras de fer entre Valls et vous savez qui. Et Mister, les moustaches dangereuses. Plutôt que de revendre nos objets sur Le Bon Coin, site purement lucratif, revendons-les sur un site solidaire. Emmaüs se lance dans le marché en ligne. C'est Pierre. Oui. Je voudrais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore, Josette? Je voudrais garder les coquilles d'huîtres. C'est pour faire des cendriers. Et on terminera par de la sociologie. Dans un endroit où tout le monde la pratique, le bistrot. Ce lieu de vie fait couler beaucoup d'encre dans des essais en littérature. Logique, c'est aussi le lieu d'une grande forme de poésie. Manque un peu de moelleux, ça doit être un coupage. Mais il est tonique, hein, on le sent descendre. Et je suis accompagné dans ma tâche de médecin urgentiste par toute l'équipe qui vous est présentée par le talentueux Guillaume Meurice. Oui, alors notre invité a écrit une chanson qui s'intitule « Quand je suis ivre ». Et nul doute qu'en composant, elle pensait à Juliette Arnaud qui sera avec nous aujourd'hui pour pallier l'absence de Charline. Bonjour Juliette, vous êtes prête? Oula, je suis à fond. C'est bien. Ce sont mes débuts en journaliste. C'est parfait. Alors notre invité a écrit une chanson qui s'intitule « C'est léger ». Et nul doute qu'en composant, elle pensait aux chroniques d'André Manoukian que nous retrouverons à 17h20. Bonjour André. Mais ça serait le plus beau compliment qu'on puisse me faire, me dire que mes chroniques sont légères, mais je suis un peu lourd, hélas. Et on va parler de quoi, sinon? Eh bien, on va parler de notre invité. Eh bien, c'est parfait. Notre invité qui a écrit une chanson qui s'intitule « Femme fossile ». Et nul doute qu'en composant, elle pensait à Clara Dupont-Monot, que nous retrouverons à 17h40. Bonjour Clara. Bonjour Guillaume. Oui. Alors, de quoi allons-nous parler? D'un livre très drôle qui s'inscrit dans la tradition anglo-saxonne. C'est parfait. Serge Lama a chanté « Je suis malade ». Oui. Très bien, mais notre invité a écrit une chanson. C'est terminé, c'est difficile. C'est pas terminé parce que notre invité a écrit une chanson qui s'intitule T'es beau. Oui, mais c'est pas obligé de me présenter. Non, mais on a déjà parlé de vous, Alex. Non, nul doute qu'elle pensait à moi. Voilà. Et je vous ferai une chronique, bien évidemment, à 17h30. Je vais vous parler de football. J'ai rencontré les citoyens et les citoyennes françaises qui sont absolument passionnés par l'euro, n'est-ce pas, madame? Moi, au Stade de France, je vais voir Johnny Hallyday. Elle connaît bien Jojo, hein, c'est pas pour aller voir des footeux. Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook. Vous pouvez laisser des petits mots pour que Charline aille mieux et nous revienne demain. Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous VGE. En 2005, vous sortez votre premier album éponyme. 2005, c'est l'année du décès de Jean-Paul Du. En 2009, vous composez un titre pour le film Le bal des actrices de Mai Wen, et c'est l'année où l'on découvre Suzanne Boyle. Et 2011, vous êtes nommé chevalier des arts et lettres, l'année du décès d'Oussama Ben Laden, mais là, a priori, il n'y a pas de lien. Vous êtes Pauline Croze. Oh, c'est sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Pauline Croze est notre invitée pour son album Bossa Nova. Elle vient nous présenter, elle vient nous parler aussi du concert au Café de la Danse le 16 juin. Et elle a l'habitude des émissions de qualité, donc si ça ne va pas, si ça tourne mal, vous n'hésitez pas à me le mentionner. Et donc, normalement, un intervieweur musical a toujours une bonne première question. Quelles sont d'habitude les bonnes premières questions qu'on vous pose, Pauline Croze? Est-ce que vous connaissez André Manoukian? C'est ça la bonne première question, oui, normalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, voilà. Mais c'est quoi la question bateau qu'on pose à une... Ah, je sais pas, ça peut être pourquoi vous avez fait de la bossa. Alors, enfin... justement, je me le demandais. Pourquoi la bossa? Alors, c'est pas juste. Bah, à vous de répondre. J'ai posé la question, alors. Vous savez que j'ai délégué à André Manoukian, évidemment, le spécialiste musical de cette émission. Eh ben, moi, je sais pourquoi elle fait de la bossa nova. Et parce que quand elle chante ses chansons du début, ses chansons de son premier album, elle a un petit voile dans la voix, quelque part. Ce qui fait que sa voix l'a prédestinée un petit peu à aller vers la bossa nova d'une manière naturelle. Elle fait le nom de la tête, hein. Elle dit n'importe quoi de la tête. Pauline, vous êtes d'accord avec ça ou quoi? Vous l'avez, ce grain? Oui, c'est vrai que c'est une musique... Enfin, mon grain de voix, mon timbre correspond beaucoup à cette musique, en fait, tout à fait. Voilà. Alors moi, j'ai une question à vous poser. J'ai essayé de la faire courte. Ouais. Est-ce que vous savez que votre chanson « T'es beau » était une des chansons les plus chantées dans les castings de la Nouvelle Star que je me suis tapée pendant 12 ans? Alors en fait, effectivement, on m'a très souvent parlé du fait qu'elle était très souvent reprise et ça me fait vraiment très plaisir parce que c'est... Voilà, enfin... Je sais pas, ça me touche beaucoup. En fait, après, c'est vrai qu'il y a eu différentes versions un peu compliquées, hein, voilà. Mais c'est devenu une sorte de référence pour se faire évaluer et je trouve ça intéressant en fait. Exactement, c'était une référence qui d'emblée attirait un petit peu notre sympathie parce que ça voulait dire que les candidates qui chantaient ça, c'était plus des candidates que des candidats, allaient naturellement vers ce style-là et puis il y avait quelque chose tout d'un coup qui imposait le respect parce que cette espèce de manière triste de dire à quelqu'un t'es beau, c'est vous qui inventez presque le genre. Et là on va revenir à la bossa, c'est très saudade ça. Tout à fait. Oui, c'est très... Disons que il y a toujours une touche d'espoir aussi dans la bossa où on peut parler de choses très très délicates et douloureuses, mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même une sorte de lumière et d'issue de secours en fait. Est-ce que vous avez attendu si longtemps pour vous mettre à la bossa nova si ça correspondait autant à votre timbre de voix? En fait, j'en chantais pour moi chez moi, quoi. Et c'est vrai que je me sentais pas vraiment légitime quelque part, quoi. Il y a un moment où je me disais, bon, bah, je le chante pour moi, pour me faire plaisir, mais est-ce que vraiment, à un moment, ça peut parler aux gens, quoi? Et c'est vrai que je mets toujours du temps à me sentir légitime, en plus, pour faire les choses. C'était quoi le déclic, du coup, à un moment Le déclic, c'est que je me suis sentie prête et surtout, j'avais besoin d'être interprète, tout simplement, et de développer ça. Et puis voilà, j'avais envie de me faire plaisir et je crois que les séquences en studio, cet album, je me suis le plus amusée vraiment sur cet épisode-là. Et parce que vous vous sentiez pas justement la responsabilité ni d'auteur ni de compositrice Oui, je pense que j'avais besoin aussi de prendre un virage, c'est-à-dire de proposer une musique qui me plaisait beaucoup, mais sur laquelle je me sentais pas forcément à la hauteur pour composer des choses dans ce genre aussi. Et je pense que, enfin, ce qui me plaît beaucoup, c'est que les gens sont surpris et en même temps pas, parce qu'effectivement, beaucoup de gens me disent, tiens, mais en fait, ça correspond à ta voix et c'est un tournant naturel, en fait. Est-ce que vous pouvez expliquer, Pauline et Alex, ce sentiment ambigu de la saudade, c'est-à-dire cette... Ou alors, sinon, vous pouvez répondre à la question, est-ce que c'est l'album de la maturité? Voilà, vous avez deux options. C'est un album de reprise, ça peut pas être là. Excusez-moi, Pauline, je réponds à votre place. Elle est idiote, cette question, franchement. C'est la maturité des autres, en fait. C'est la maturité des autres. Voilà. Et donc, voilà, c'est quoi cette saudade? Elle chante bien? C'est qui? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau? Oui. Non, en fait, la saudade, c'est trouver une sorte de délice ou de plaisir à être triste. Voilà, ça, un petit peu déjà, comme votre regard de temps en temps, Alex, vous regardez Clara et puis que vous rafraîchissez un vent. Eh bien, on écoutera ça tout à l'heure et André Manoukian nous parlera de cet album. Mais avant ça, on va écouter les garçons salopes, les Beach Boys. I get around. known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. C'est les Beach Boys, évidemment. C'est fou, les hommes, dit Juliette Arnaud. Elle n'a pas fini de s'en rendre compte, à mon avis. Elle vient de les découvrir. Et comme vous l'entendez, c'est pas Charline qui reprend après le disque, puisqu'elle est malade et on l'embrasse. Elle est au fond de son lit. Oui, Charline vient de tweeter, Alex. Ah, hein, oui. Elle a dit, je viens d'entendre la blague d'Alex. J'ai 45 de fièvre, mais j'arrive immédiatement. Très bien, okay, on l'attend. Et on est surtout avec Pauline Croze pour son nouvel album Bossa Nova, dont on en parlera tout à l'heure avec André Manoukian. Et puis, évidemment, si vous voulez la voir sur scène en concert, c'est au Café de la Danse le 16 juin, Guillaume, autour de cette table, rappelez-moi un peu. Eh bien, il n'y a que de la qualité, oui, puisqu'il y a Juliette Arnaud, André Manoukian. Ah non, pardon, il y a aussi Clara Dupont-Moine. Évidemment, évidemment, Pauline Croze, d'abord, c'est les informations, parce que ça prime. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. François Hollande était en Suisse. Oui, François Hollande. On parle de François Hollande. Était en Suisse hier pour l'inauguration du tunnel le plus long du monde. Oui, il est venu parler donc de son quinquennat. Télévision. Maïtena Virabel annonce qu'elle quittera le Grand Journal et Canal+ en fin de saison. Et le jour même, Charline Van Hoenacker tombe malade. Il n'y a pas de hasard. Et non. Et il y aura des brèves. Oui, bah oui, Charline n'est pas là, merde, la brève. Allons-y. On commence donc par cette visite de François Hollande en Suisse. Et oui, après une bonne fondue chez Jérôme Cahuzac. Non, il s'est rendu pour l'inauguration du Saint-Gothard. Ah, pardon. Et il n'a pas manqué de répondre à nos amis de la télévision suisse. Monsieur Hollande, vous avez accepté l'invitation de la Suisse à participer à cette fête. Êtes-vous un peu fasciné de cette œuvre ? En France, nous sommes toujours fascinés par les trains. Et oui, en France, on est passionné par les trains. D'ailleurs, je vous conseille de vous rendre dans n'importe quelle gare aujourd'hui pour mesurer la véritable passion du français pour les trains. Mais vous le savez peut-être pas, parce que vous n'êtes peut-être pas des bons français, c'est pas la seule passion des Français. Êtes-vous un peu fasciné de cette œuvre ? En France, nous sommes toujours fascinés par les trains. Et aussi par les tunnels. Et oui, vous êtes passionné par les tunnels, sans doute parce que vous n'en voyez pas le bout, je ne sais pas. International, oui. À présent, le Bundestag, oui. Le Parlement allemand, reconnaît le génocide arménien. Le gouvernement turc dénonce une erreur historique. Non, mais là, c'est bon, là, moi je serais les Turcs, je ferais quand même confiance aux Allemands, c'est un domaine qui m'étrise. En effet, Alex, international, toujours, oui. On apprend que mardi dernier, le lancement d'un missile nord-coréen a échoué. Et toutes nos condoléances aux familles des membres de l'équipe responsable de cet échec. Notamment Jeannette Bougrabe. Passons à la Belgique. Alex, vous aussi, oui. Vous connaissez des grèves, hein, des manifestations, des revendications syndicales. Et oui, et chez nous, c'est à cause de la loi Peters. Et Chris Peters, notre ministre, a tenté un truc pour apaiser. Ah bon ? Oui, il a posté une photo de lui en compagnie de Myriam El Khomri. Et ce commentaire, entretien inspirant avec la ministre du Travail en France concernant la réforme. Hashtag loi travail, hashtag Paris. Ah oui, c'est sûr que s'il veut que les gens ne descendent pas dans la rue, s'inspirer de Myriam El Khomri, c'est la bonne c'est idée. La bonne idée. La bonne idée belge. Bien chez nous. Télévision, voilà. Maïtena Biraben a donc annoncé ce matin son départ de Canal+. Oui, dans la foulée, en début d'après-midi, c'est Ali Badou qui annonçait son départ de la chaîne cryptée. Oui, je suis là. Et pardon, vous êtes qui, vous ? Je suis femme de ménage à Canal+, oui. depuis la création, hein, paix à votre âme, monsieur Rousselet. Oui, mais pourquoi vous nous interrompez ? Bah, c'est juste pour annoncer que je reste à Canal, hein, je reste. Bah, ça va faire plaisir à vos collègues de le savoir. Oui, vous pensez à qui ? Bah, je ne sais pas, les collègues, les gens avec qui vous travaillez à Canal+. Ah non, mais il n'y en a plus. Hein. Ah, d'accord. Mais moi, je reste. Hein. Attention, je reste. C'est sûr ? Ah, je reste. Je reste. Très bien, très bien, très bien. Passons au bref, Alex. Oui, un bébé d'un an souffrant de puberté précoce aurait le pénis d'un homme de 25 ans. Ouais. Hein? La puberté précoce, ça existe, ça? Ah, attention, on a un texto. Ah. Oui, Jean-Luc Lahaye. Oui. Ah, oui, il confirme, la puberté précoce, ça existe. Okay, une brève pour vous, Guillaume. Oui, Brest, il va à la pêche avec une machette, deux poignards, un arc et des flèches. Ça va être bien quand il ira chasser le gibier avec sa canne à pêche. Voilà, c'est fini. Merci Alex. Merci pas entièrement, pas entièrement, puisque nous avons une information interne à vous partager. Suite à un mouvement social, l'émission Si tu écoutes, j'annule tout n'est pas en mesure de se rendre demain à Lyon. Nous vous prions de nous en excuser. Je répète, à cause de Myriam El Khomri, les branquignoles de France Inter ne seront pas demain en banlieue de Saint-Étienne. Mais oui, c'est la façon la plus drôle qu'on a de vous l'annoncer. Les trains ne partent pas ce soir, ne reviennent pas demain. On sera pas à Lyon. On est très malheureux. Même la Stéphanoise, Juliette Arnaud, est malheureuse. Faites semblant au moins, vous. Non, moi je jubile. Mais on va tout faire pour y arriver très vite. On sera à Annecy deux semaines plus tard. Les Lyonnais, c'est pas si loin que ça. Et voilà. Donc c'est pour le festival de Fourvière. On en parlera malgré tout demain pour les nuits de Fourvière. Très bien. Exactement. Mais nous sommes avec notre invitée Pauline Croze et nous allons traiter des sujets d'actualité. Premier sujet, la presse étrangère nous regarde et nous juge. Un gros dossier est paru dans le Courrier international et l'ambiance actuelle au pays des Lumières est surnommée le printemps français et il n'y a aucun lien avec la météo. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village. Douce France. Juliette Arnaud, vous avez géré ce dossier comme tous les dossiers d'aujourd'hui. Je l'ai très très bien géré. D'abord, je voulais commencer avec une question, Pauline. Si c'est ça le printemps français, est-ce que franchement, il n'a pas une sale tronche? Une tronche pas super cool, pas super bossa nova brésilienne, soleil, douceur de vivre, alors que vous aviez fait l'effort avec cet album. Est-ce que ça ne vous fait pas cette impression-là? On voit bien que vous remplacez Charline parce qu'il y a la réponse dans la question. Oui, je sais. Ça, c'est très Charline, ça. Bah oui, bah c'est vrai que on fait tout ce qu'on peut pour amener un petit peu d'espoir et tout, mais là, en plus de la météo, en plus des grèves, de tout ça, c'est sûr que c'est assez noir, quoi. Vous suivez ça d'un œil éloigné, d'un œil proche, d'un œil militant ? Non, je regarde tous les jours. Enfin, c'est vrai que bon, après c'est tous les jours un peu la même chose aussi, du coup, parce que il y a eu un enlisement, quoi. Donc après, je j'arrive pas trop à anticiper, à voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est sûr que voilà, les gens sont déçus et se sont trahis et c'est normal que aussi à coup de 49.3, ils ont envie de sortir dans la rue. Vous avez un peu de sympathie pour ce que vous voyez malgré tout. De sympathie. De compréhension, moi. De compréhension, oui, mais après, enfin. Mais vous choisissez quand même de reprendre une chanson brésilienne, enfin l'adaptation en français qui est fait comme l'oiseau. Oui. Il y a un moment dans les paroles, très clairement, ça pourrait ressembler au printemps français. Ça dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? C'est une chanson qui ne parle que de ça, de contestation. Oui, tout à fait. Et même, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? On est vraiment dans ce thème-là, quoi. Après, je sais pas si faire comme l'oiseau, ça nous aidera. Bah déjà, ça vous dépeindrait pour les inondations. Ouais, voilà, c'est exactement. Il y a un truc assez rigolo dans les critiques, dans le dossier de Courrier International sur comment la presse européenne voit le printemps français, c'est qu'on est tout le temps, que ce soit chez les Italiens, les Allemands ou les Anglais, quand ils parlent de nous, en tout cas du printemps français, ils sont dans le domaine de la théâtralité. Ils parlent de drame, ils parlent de théâtre de rue, de jeux de poker, d'agressivité, d'éruptivité. Vous êtes interprète, donc d'une certaine manière, vous êtes comédienne. Est-ce que quand vous êtes allée, quand vous reprenez comme ça, vous travaillez avec des chanteurs brésiliens, est-ce que vous avez l'impression que c'est une image de nous qu'ont les étrangers ou qui vous... En tout cas, par exemple, je suis allée au Brésil, mais je suis pas restée assez longtemps pour vraiment savoir comment eux nous voient. Disons qu'on a une réputation, c'est-à-dire qu'ils nous respectent beaucoup au niveau art de vivre, au niveau artistique et tout, mais en plus eux ils ont aussi des choses à régler par rapport à leur gouvernement. Donc du coup, je pense qu'ils ont pas trop peut-être le temps de s'occuper de nous analyser, on va dire. Mais disons qu'on a je sais pas si on a très bonne réputation, même ne serait-ce que on entend souvent le fait qu'on est très méprisant, donneur de leçons, tout ça. Ça dépend aussi des pays. Des pays aussi, parce que le Courrier international montre que l'Allemagne trouve que le gouvernement est quand même très mou face aux syndicats, et en revanche côté espagnol, et ben la presse salue justement l'action du gouvernement. En fait. Voilà, salue l'action du gouvernement. C'est quoi la première réplique qu'on vous rétorque quand vous dites je suis française au Brésil, à part la finale de 98, qui reste un mauvais souvenir. Non, c'est très, il y a une réaction, des réactions très très positives, très très ouvertes en tout cas et très curieuses. Et ben musicalement, ils ont. Oui, oui, assez. Ouais, ils aiment beaucoup la culture française, la langue française et. Il y a l'album d'Elysée Moon quand même qui a fait beaucoup de mal pour la. Il y a une belle histoire d'amour entre la France et le Brésil qui existe depuis toujours, mais là, je ne veux pas déflorer l'objet de ma chronique. Vous savez quoi, je ne vais jamais vous interdire de déflorer quoi que ce soit en Manoukian. Mais à l'antenne, on est sûr. Alors, quand Pauline Croze prend la bossa nova, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans son dernier album, où elle chante les plus beaux standards brésiliens, soit en français, soit en portugais, elle le fait quand même comme une titi parisienne, qui dirait à Carlos Jobim, et mon grand, tu connais Pigalle, nous aussi on a des minines, il n'y a pas que sur la place d'Ipanema que les chouettes passantes rendent les garçons fous, c'est même la spécialité des parisiennes, et ça ne date pas d'hier, tiens. Un autre Carlos, Carlos Baudelaire, bien avant toi, dans son poème, à une passante, voilà ce qu'il disait. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Papayou Lélé. Ça, ça vaut bien. Ça, vous l'avez pas cité, mais. Ça, ça vaut bien. Grande, mince, belle et douce, la fille d'Ipanema se pousse sur le rivage et toute la plage fait. Ah oui, entre Rio et Paris, c'est une histoire d'amour qui n'en finit pas. La légende raconte même que la bossa nova, c'est un Français qui l'a inventé, et pas n'importe lequel, notre grooveman avant l'heure, notre crooner national, notre... Charles Trenet. Henri Salvador. Pas loin. Ça se tentait, ça se tentait. Réfugié avec Ray Ventura et ses collégiens aux Antilles pendant la Deuxième Guerre mondiale, le voilà qui pousse le cacheton de la Guyane jusqu'au Brésil. Là, il découvre la samba, et là, Henri, qui a un poil dans la main, a cette idée bizarre de ralentir le tempo et de faire une samba lente. Une samba lente, c'est comme une blague triste. C'est comme Alex qui conclurait avec Clara, c'est un truc improbable. Et voilà que Carlos Jobim entend cette chanson lente de Salvador, qui s'appelle « Dans mon île », qui était la musique d'un film italien qui s'appelait « Europa di notte ». Et là, Jobim, il se dit « Mais c'est incroyable, cette samba lente. En tout cas, ça ferait un superbe rythme. » Il lui colle à ce rythme des harmonies un peu consistantes de jazz, avec des chromatismes à la Chopin. Et voilà comment naît une des musiques les plus sensuelles au monde. Comme c'est une nouvelle manière de jouer, nouvelle manière. En portugais, ça se dit bossa nova. Oui, oh là là, Chopin. C'est tout, le gars. Chopin y est pour beaucoup aussi. Il n'est qu'à écouter le prélude opus 28 et How Insensitive, la chanson de Jobim qui reprend ses accords, parce qu'il est érudit, le Carlos Jobim, comme tous les Brésiliens qui ont Paris dans le sang. Ouais, ouais, ouais. Et voilà que ce mouvement naît. Mais c'est vrai, on nous aime à l'étranger. Faut arrêter de se flageller, les gars. Parlez de son frère aussi, hein, Jobim. Jobim, Jobim. C'est les deux. Qu'est-ce qui est mauvais, Charline, revient. Ils sont devenus fous. Et voilà que ce mouvement, donc, musical, né à la fin des années 50, va rebondir grâce à un autre film français en 1966. Orfeu ou Negro. Henri Salvador. Non, c'était tout à l'heure. Orfeu ou Negro. Negro. On sait pas. 66, boum, un film français, boum, un film français qui a eu l'Oscar, Pierre la Palme d'Or. En 66, un homme et une femme, et ben dis donc. Et son fameux Shabadabada. Le film remporte Palme d'Or, Oscar et Golden Globe pour la musique de Pierre Barou. Texte de Pierre Barou et musique de Francis Lai. Les Brésiliens sont ravis cette fois. La bossa nova va faire le tour de la planète. Et quand Lelouch vient à Rio présenter son film, tous les musiciens brésiliens le reçoivent en héros. Si bien que lors d'une réception chez Jobim, chanteurs et chanteuses font la queue devant la salle de bain où Francis Lai s'est réfugié pour les auditionner. Mais c'est une histoire vraie. Oui, les chanteurs de salle de bain sont parfois exceptionnels. Je sais, vous ne m'engagez jamais. Alors cette musique formidable qui trimballe son blues, sa saudade, ce sentiment mitigé du bonheur, de la mélancolie, et qui se chante plutôt laid back, littéralement allongé derrière. Derrière quoi? Derrière le temps. Et ben notre Pauline nationale, plutôt que faire semblant... Elle est coincée sur Jobim. C'est allongé derrière le temps. Derrière le temps. Voilà. Plutôt que faire semblant de se coucher derrière le tempo, Pauline, elle y va franco. Et passé la surprise des premières mesures, voilà qu'on est pris par cette touche touchante façon d'aller droit au but plutôt que de flémarder. Et cette manière à plat, bien nette, en nous regardant droit dans les yeux, sans clignement d'œil ni fossile, ce culot tranquille et triste à la fois, finit par nous prendre au cœur. Et voilà que la manière de Pauline de chanter cette musique brésilienne devient une invention. À toute invention, il faut un titre. La manière de Pauline, en anglais, ça se dit la bossa Pauline. C'est la chanson d'Orfeo Negro, donc adaptée en français. L'Orfeo Negro, les films des années 50. Donc Juliette Arnault l'avait vue, elle avait 5 ans déjà à l'époque. Et on disait, on parlait de tempo tout à l'heure, et je disais que vous n'étiez pas laid back, et vous disiez que vous tiriez plutôt d'un petit peu devant. Oui. Mais en même temps, c'est ça qui est sympa. Alors, est-ce que toutes ces subtilités, vous les sentez, Clara? Être devant ou être derrière le tempo? Oui. Plutôt tirer ou plutôt pousser ou plutôt... Voilà, on va donc laisser votre vie. Parce que, non, mais parce que moi, ce que j'entends, c'est une voix extrêmement jeune, enfin qui donne une impression d'extrême jeunesse, et que ça change d'habitude des gens qui interprètent. C'est, on a l'impression qu'ils ont 1000 ans, et que là, tout à coup, on a l'impression que c'est une très jeune fille qui chante. La bossa, c'est... Non, mais la bossa, c'est... Ah, elle s'énerve, elle court. Pour ceux qui nous rejoignent, c'était la voix de Pauline Croze que vous entendez. Pauline Croze qui fera son premier concert bossa nova donc de cet album au Café de la Danse le 16 juin. Allez-y, ça vaut mieux que toutes ces paroles auxquelles je ne comprends rien. J'ai juste profité de cette belle musique. Et Juliette, je vous laisse l'occasion de lancer la fusée de cette émission. Ah vous voulez parler de Guillaume Meurice? Oui, ça fout la pression, ça. Guillaume Meurice est la fusée de cette émission. Mais je l'ignorais. Mais c'est à moi? Oui, allez-y. Décollage immédiat. Alors, je vais vous parler football aujourd'hui. Et je dois vous avouer une chose, j'ai moi-même moi-même pratiqué le football. Oula. Alors ça se voit pas comme ça, hein, parce que je sais, j'ai plutôt un physique pour la planche à voile. Pas pour en faire, hein, mais pour être une planche à voile. Mais j'ai pratiqué le foot. Alors quand je vous dis j'ai pratiqué, j'étais gardien. Hein, donc ça compte pas vraiment. Gardien, c'est celui qui veut jouer avec les autres, mais personne n'en veut dans son équipe. Donc on le prend en dernier pour faire un truc ingrat. C'est un peu le Jean-Vincent Placé du foot. Vous voyez, en plus utile quand même, hein, faut pas déconner. Et là, le foot, on va en bouffer avec l'Euro 2016. D'ailleurs, on en bouffe déjà avec les polémiques sur la composition du groupe, car c'est connu, la France compte 65 millions de sélectionneurs. Et moi, je vous ai fait une petite sélection des sélectionneurs que j'ai rencontrés ce matin dans la rue. Alors, on commence avec un premier sélectionneur qui pense que les footballeurs sont trop payés. Hein, ça, c'est classique. Et lui, quel est son rapport à l'argent ? L'argent, on s'en fout. Ça ne signifie rien. Ah si, j'ai gagné 170 euros au loto hier. C'est vrai ? Ah donc vous vous en foutez de l'argent et vous jouez au loto ? L'argent ne m'intéresse pas, ne m'a jamais intéressé. Voilà, hein, on peut jouer donc au loto juste pour le plaisir. Hein. C'est vrai que c'est toujours sympa de foutre en l'air de l'argent pour cocher des cases. Hein. C'est con, mais c'est quand même rigolo comme jeu. Et le foot, ça devrait rester justement un jeu, ça devrait rester loin des polémiques, hein, comme celle sur Karim Benzema qui soupçonne donc Deschamps d'être raciste. Est-ce qu'un deuxième sélectionneur aurait un avis là-dessus ? J'ai pas d'avis, j'estime que ce sont des histoires de fou. De foot ? De fou ! Pourquoi ? Pas de foot. Parce que maintenant, c'est tout c'est écologie, bio, féminisme, on a tout ça à la bouche. Quel est le rapport entre le bio et le féminisme et... Oh, ben parce que, non, si, c'est parce que, je vous dis, on n'a que ça à la bouche. On n'a que quoi à la bouche ? Que l'euro ? Que, bah, je vous dis, le bio, ouais, etc. Non, on voit pas le lien. On voit pas le lien, hein, monsieur, avec tout ça. Le féminisme, le bio, je sais pas. Alors, c'est vrai que Deschamps n'a sélectionné aucune fille, hein, dans l'équipe. C'est et vrai. Que Pierre Rabhi ne fait pas partie de la sélection non plus. Mais sinon, c'est pas clair. On voit pas où il va en venir. Alors bon, il me fallait quand même un spécialiste foot, un vrai, hein, un mec qui a un avis tranché sur la fameuse polémique. J'en ai trouvé un. Alors, qu'est-ce qu'il pense de Benzema? Avec ce qu'il a sur le dos comme mise en examen, il ferait mieux de s'écraser. Bah, il pourrit le climat du groupe, en particulier de celui qu'il a essayé de faire chanter. Ah mais il n'est pas dans le groupe, lui. Il n'est plus dans le groupe. Non, Valbuena, il n'a pas été pris non plus. Hein ? Bon, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit un peu ce qui se passe au niveau foot dans ce pays ? C'est pas vrai. Bon, alors si, je sais, il me faut une sélectionneuse. Qu'est-ce qu'elle pense de cette équipe de foot ? Je trouve qu'il y a énormément de joueurs qui sont pas d'origine blanche. Qu'est-ce que c'est d'être d'origine blanche ? Ni noir, ni jaune, ni café au lait. Oula, café au lait ! J'avais pas entendu l'expression depuis très longtemps. C'est marrant, elle m'avait pas manqué, cette expression. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on dit blanc pour des gens comme nous, alors qu'on n'est pas hyper blanc. Bah, regardez André. Ah, bon, là, c'est un peu spécial, il revient de Bali. Il est tellement bronzé qu'il ferait passer Jacques Séguéla pour Amélie Nothomb. Bon, c'est pas un bon exemple. Mais prenons Juliette, par exemple, Juliette. Allez. Arnaud. Hein, est-ce qu'on peut dire qu'elle est blanche ? Rien que passer l'apéro de 11h, elle est plutôt rouge, Juliette. Alors quoi, elle va nous dire qu'il n'y a pas de rouge dans l'équipe de France ? C'est n'importe quoi. Bon, alors ça nous fait pas avancer, hein, sur l'analyse vraiment de la polémique. Heureusement est venue à mon secours une autre sélectionneuse qui avait un avis éclairé. Je sais pas, il est pas content, c'est pas du racisme, il trouve une excuse parce qu'il va pas aller à l'euro. Je trouve ça de la connerie, puis histoire de cul, là, vous savez. Il dit que c'est du racisme, je suis pas d'accord, j'ai regardé BFM TV hier. Ah, voilà, alors enfin, quelqu'un qui est bien informé. Parce qu'elle regarde BFM TV, donc elle sait que Didier Deschamps n'est pas raciste, hein. C'est sûr que si elle regarde BFM TV, c'est vrai qu'ils s'y connaissent en matière de racisme. Alors, cette même sélectionneuse, d'ailleurs, aussi. Il faut dire que maintenant, moi, j'ai une américaine, c'est ce qu'elle me dit pour le football. Elle me dit, Edith, c'est PSG, c'est français, il n'y a que des arabes et des noirs. Voilà ce qu'elle a dit, l'américaine. Ah, elle a raison. Et alors, vous êtes d'accord avec ça ? J'ai dit que c'est vrai. Il y a presque pas de français dans les footballeurs. Vous en voyez beaucoup des blancs, vous ? Voilà, attendez, Didier Deschamps n'est pas raciste, mais est-ce que vous êtes raciste ? Un petit peu. Ah bah putain ! Qu'est-ce que ça serait si elle l'était beaucoup, nom de Dieu ! J'espère que Pogba et Sako ont un CAP coupage de coton, parce que je vous rappelle que cette dame a le droit de vote, hein, quand même. Alors là, on est vraiment sur le discours de la vieille France, hein, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Moi, j'ai fait mai 68, vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né, j'étais à Saint-Germain. Moi, je vous dis que. Vous avez fait mai 68 ? Oui, j'étais à Saint-Germain, j'étais jeune, mais j'étais à Saint-Germain. Vous étiez de gauche avant, alors ? Non, j'ai toujours été de droite, il rigole, lui, j'étais à Saint-Germain. Ah oui, d'accord, donc elle a fait 68 du côté des CRS, en fait. Je comprends mieux. Bon, alors, petit bilan, hein, en 2016 en France, hein, pour tout ce qui est vivre ensemble, c'est pas gagné-gagné. D'un côté, on a une société qui vote de plus en plus Front National. De l'autre, un mec qui fait du chantage au racisme parce qu'on veut pas de lui pour jouer à la baballe. Et si on arrêtait les conneries, ce serait peut-être pas mal. Ça comme seul et unique but. Bien joué, Guillaume Meurice. Vous les trouvez facilement, ces gens? Ben, malheureusement, oui, pour la société, oui. J'aime bien reposer la question régulièrement. Oui, oui. On va repasser à l'actualité avec vous, Pauline Croze. Attention, j'espère que vous avez révisé ce deuxième sujet parce qu'il n'est pas évident. Je le dénonce, hein, c'est Charline qui les a choisis, les sujets. Hein. Moi, j'aurais fait des trucs beaucoup plus faciles pour vous. Moi, hein. Le nouveau rival d'Amazon s'appelle Emmaüs. Les compagnons se lancent dans l'e-commerce, mais l'e-commerce solidaire. Quand Le Bon Coin se contente de mettre le vendeur et l'acheteur en relation, se sucrant au passage, Emmaüs, lui, oui, c'est aussi Charline qui a écrit les lancements, Emmaüs, lui, reverse l'argent aux associations. Et vu que le temps est au nettoyage de printemps... Ça, il est plein de mythes. Ah. Hop. C'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? C'est un rasse-pull, hein, on s'en est jamais servi. Tu balances. Hop. Ça? Ça, c'est quoi? C'est un truc pour couper les poils des oreilles. C'est ma soeur qui l'avait offert à Denis à Noël pour le faire chier. Ah, Mino! Vous faites quoi exactement, hein? On fait un peu de tri. Mais c'est à moi, ça. Mais Denis, c'était déjà ringard à ton époque. Ben. Mais attends, il y a plein de trucs à moi, là. Oh non, pas mon Michel Delpech. Et oui, alors, c'est pas... Oui, fais pas ça, évidemment. Ah bah oui, évidemment, parce que j'aime bien savoir hein, d'où on sort l'extrait. Ça n'a rien à voir avec votre tenue vestimentaire, mais donc ce sujet Emmaüs, c'est vous, évidemment, qui allez le traiter, Juliette Arnaud. Oui, donc Diana, c'est un article dans La Croix et qui nous raconte comment les chiffonniers d'Emmaüs se jettent dans le grand bain Internet, ce qui est plutôt fun et pas attendu. Et ils emploient le terme, au lieu de dire vieille chose, et j'allais vous dire, quel est votre rapport aux vieilles choses, Pauline? Ils emploient l'expression objet délaissé. Et là, tout à coup, ça fait tilt à mon oreille, parce que vous en écrivez des chansons d'amour. Oui. Délaissé, on est d'accord qu'on est plus dans le champ lexical de l'amour. Du sentiment. Du sentiment. Mm-hmm. Et je me disais, est-ce que vous avez un rapport sentimental aux choses, et est-ce qu'il est le même qu'avec les êtres humains? Oh là. Est-ce que vous mettez votre ex sur Le Bon Coin, par exemple? C'est ça la sous-question. Non. C'est une idée, mais je ne le ferai pas. Non, mais en fait, moi, j'aime beaucoup l'idée de recyclage. Quoi. Je trouve que c'est très. Ce qu'on ne peut pas faire actuel. Avec les relations humaines, d'ailleurs. Non, tout à fait. Mais après, les sentiments peuvent évoluer entre deux personnes. Ça peut être de l'amour, et l'amour peut rester de l'amour, mais d'une autre manière aussi. Donc, c'est l'amour pour quelqu'un, je pense qu'il ne part jamais. Quoi. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte et on considère la personne d'une autre manière. Mais moi, je peux oui, y a un être changement là pour de toujours pour quelqu'un. Pour les voilà. Donc Alex Vizorek continuera à me draguer encore, c'est ça que vous essayez de me dire. Dans l'amour, il n'y a pas de propriété, il ne faut pas penser comme ça. Et tant qu'on parle de ces objets-là, est-ce que vous avez un comme ça, vous êtes chineuse, aimez les brocantes, aimez les... Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Bah, j'adore les objets qu'ont une histoire, quoi. J'ai vraiment du mal avec les objets neufs sans attente d'histoire, on va dire, mais j'aime pas les objets aseptisés et puis les en série, tout ça, je suis pas... J'ai un vieux téléphone Nokia à refourguer. Je l'ai retrouvé le mien ce week-end, donc ça marche pas. Et alors l'émotion quand on retrouve ce genre d'objet? En fait, c'est surtout quand je vois un objet qui m'inspire, je me demande juste quel a été, à qui il appartenait, et je me brode toute une histoire autour de ça, en fait. Je voudrais juste aussi parler du fait Internet ici, parce qu'on oppose Emmaüs, évidemment, au Bon Coin et ces choses-là pour ceux qui servent à se refaire de l'argent. Mais le site Emmaüs, en fait, mettrait directement... C'est le même principe que les boutiques, en fait. Voilà, c'est-à-dire que le cliqueur peut acheter directement, alors que le Bon Coin se contente, entre guillemets, de faire la jonction entre l'acheteur et le cliqueur. C'est ça, mais donc il y a quelque chose de très social. Est-ce qu'à choisir, évidemment... Vertu citoyenne. Oui, tout à fait. Après, je me demande si est-ce qu'ils vont quand même garder leur boutique physique ou pas, en oui, fait. Parce qu'il y a aussi le plaisir de se promener justement entre tous ces objets complètement hétéroclites et d'être dans une atmosphère aussi. Et sur un site, on n'est pas dans une atmosphère. Non, c'est vrai, mais en fait, ils espèrent par l'utilisation du site attirer une nouvelle clientèle. Et puis c'est vrai, moi aussi j'y vais beaucoup dans les boutiques Emmaüs, il faut être là les jours où il y a des arrivages. Tout à fait. Que là, sur Internet, on peut le faire de son canapé. C'est ça. Vous voyez le gain. C'est ça. Peut-être préciser aussi que ces objets continuent d'être... renouvelés par les exclus, qui les remettent sur pied, voilà, et que une certaine partie des sous va quand même à l'association. Ah, mais c'est surtout ça, voilà. C'est important. Eh bien, écoutez, sans transition avec les vieux objets, Clara Dupont-Moineau, c'est à vous. Il a dit sans transition, ne regardez pas comme ça. Oui, Alex. Car l'actualité, c'est aussi un procès qui vient de commencer et qui se tiendra jusqu'au 7 juin à Grenoble. seront jugées et ont déjà commencé à être jugées 11 personnes qui s'apprêtaient à dévaliser une des plus grosses imprimeries de billets d'Europe. Une équipe multicarte, multicompétence, c'était Ocean's Eleven, a même dit un avocat quasiment admiratif, il a reconnu. Bon, les malfaiteurs se sont fait pincer au dernier moment, mais quand même, ça avait de l'allure. La littérature veille, mesdames et messieurs, et s'il y a bien un roman à offrir à ces accusés qui croupissent en prison, c'est celui-ci, Les Perles Noires de Jackie O de Stéphane Carlier. Ils vont adorer les accusés parce que c'est l'histoire d'un cambriolage parfait, mais absolument parfait. Alors, il n'y a pas d'équipe multicarte et multicompétence, mais une femme de ménage qui s'appelle Gabi. Et c'est elle l'héroïne de ce livre. Elle a la soixantaine fatiguée, elle est sud-américaine, elle fait des ménages chez des gens très riches à New York. Et un jour, elle découvre le numéro du coffre-fort qui est caché dans le bureau de son patron. Et somnole dans ce coffre-fort, 6 lingots d'or, 164 400 dollars et le collier de perles noires qui appartenait à Jackie Onassis. Ah ah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Gabi, la nôtre, elle est absolument assommée, elle doit s'asseoir et je cite « Ses acouphènes n'ont jamais sifflé aussi fort ». Alors qu'est-ce qu'elle décide ? Eh bien, elle décide de tout voler. Elle décide, cette brave petite dame qui ressemble à rien, qui est toute grise, elle décide d'organiser le cambriolage du siècle qui est, mais inratable, calibré au millimètre, un peu comme ses confrères de Grenoble. Et comme pour eux, tout foire, sauf que pour Gabi, l'imperfection porte chance. En fait, c'est le genre de livre, en fait. Vous le terminez, vous retournez l'intrigue dans tous les sens. C'est impeccablement ficelé. C'est-à-dire que tous les détails du début du livre trouvent leur justification à la fin. Tout a une utilité, tout est parfaitement imbriqué et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est un roman comédie. Et vous pouvez savoir la bouffée d'air que c'est. Vous savez, ces romans truculents, ultra efficaces, qui en fait n'ont d'autre but que le plaisir de la lecture et qui considèrent que le plaisir de la lecture n'est pas un gros mot. Ça, c'est souvent la trace de la littérature anglo-saxonne dans laquelle s'inscrit Les Perles Noires de Jackie O. C'est les David Lodge, les John Fante, les Roy Lewis qui a écrit Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Et quand on y pense, sans esprit de raccourci aucun, la littérature russe, par exemple, elle est remplie de tempêtes, d'orages sous un crâne. Bon, la sud-américaine, elle est pleine d'une mélancolie un peu poisseuse, un peu magique. La française, elle rumine, elle radiographie, elle dépaisse, surtout l'ego. Eh ben, l'anglo-saxonne, elle se marre. Imaginons maintenant la même histoire racontée par un russe. Le premier paragraphe qui parlerait de cette Gabi, ça donnerait... Le vent, merci Juliette. Elle finissait de nettoyer l'isba. La colère cognait en elle, comme le tolère martèle la steppe. Ça montait. Elle piétina la chapka du maître. Elle aussi, un jour, elle aurait une piscine, des akouskis. Elle aussi annexerait la Crimée. Fin du vent. En tout esprit de finesse, hein, ça va sans dire. Ça va sans dire. Sans aucun cliché. La même histoire racontée par un Français de gauche, tapons dans les meilleurs. Imaginez, Juliette. Moi, servitude, beau regard invaincu quand je lui demande où sont mes berloutis, argenterie, tâches répétitives, territoire perdu de la République, ablation, mais, sursaut, mais, bravitude, moi, fin du sanglot. La sud-américaine, lui, parlerait de soledad. Non, ça c'est les bouches du Rhône. Ouais, ben c'est tout ce que j'ai en magasin comme animaux du sud. Alors, j'en ai la cigale qu'on a dit. Sud-américaine. Gabi astiquait au rythme d'une bossa nova muy caliente et pensait à Ramon. Ses souvenirs flottaient comme des noix de cajou. Tiens, se dit-elle. Elle rit à sa propre blague. On dirait Gad Elmaleh. Tiens, dit-elle, c'est un dimanche à 11h du matin qui vient de passer. Fin de cigale. Ce taquin tour du monde littéraire, oui, taquin, quoiqu'un peu cliché, je vous l'accorde. D'ailleurs, je remercie les influences ici discrètes de Tolstoï, Annie Ernaux et de Gabriel Garcia Marquez, que vous aurez tous reconnus. Il me permet quand même un rappel. En littérature comme en chronique radio, l'éclat de rire, le divertissement, eh bien, ce ne sont pas des maladies honteuses. La preuve avec Les Perles Noires de Jackie O de Stéphane Carlier, paru au Cherche Midi. Merci, bravo Mono, qui bah là, vous êtes en spectacle, hein. J'imite les grands auteurs, hein, tous les jours, au point virgule, et on rigole bien. Et nous sommes toujours avec Pauline Croze pour son album Bossa Nova. Elle sera en concert le 16 juin, mais surtout elle est venue pour traiter l'actualité avec nous, et elle me dit, mais est-ce qu'il arrive ce troisième sujet ? Mais bien sûr, le troisième sujet. Comme Juliette Arlo s'est sacrifiée pour traiter les sujets d'aujourd'hui, il est important d'en choisir au moins un qu'elle maîtrise pleinement, les bistrots. Donc, 2 mois d'abstinence, c'est ça? Oui. Dernière bière, 3 janvier, 17h. D'accord. Et vous buviez combien par jour? Ça, je sais pas. Je compte pas. Dans les 40. 40? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Ben, je tiens un bar. Hippocrate, et c'est Vincent Lacoste qu'on a reconnu, qui sera bientôt notre invité. Ah oui. D'ailleurs, je vous le dis comme c'est. Juliette Arnaud, vous avez déjà été dans un bistrot, vous? Oui, alors ça m'est arrivé. Non, parce qu'en fait, on a tous, c'est vrai, en tête le diner américain, le pub irlandais, la trattoria italienne. Et puis, évidemment, on a le bistrot parisien. Mmh. Hein. Il y a un très joli papier dans Libé qui est tiré d'un livre du sociologue Pierre Boisard, La vie de bistrot. Et il interviewe notamment un monsieur qui a le vrai bistrot, avec tout ce qu'on attend d'un bistrot, tous les stéréotypes, avec genre, il y a Antoine Blondin qui écrit à ses genoux, il y a un bulldog français, il y a un zinc, il y a des œufs cuits durs, il y a des croissants, il y a un type qui boit un petit noir, et puis après un ballon blanc, et puis après un petit jaune. Et puis, il y a souvent une jeune fille ou un jeune homme, un poète en général, qui écrit, et je me disais, est-ce que vous pensez que c'est encore un endroit de haute création que le bistrot? Ça l'a eu beaucoup pété. Est-ce que ça l'est encore? Vous écrivez dans les bistrots? Est-ce que vous écrivez sous? Est-ce que vous travaillez comme moi? C'est la sous-question de Juliette Arnaud. Il n'y a pas un bistrot parisien où il n'y a pas quelqu'un en train d'écrire. Non, en fait, moi, le bistrot, il fallait la faire, c'est comme ça. C'est surtout pour débriefer des rendez-vous que j'ai eus, des rendez-vous artistiques, des rendez-vous en maison de disques et tout. C'est pas un endroit où je me sens bien pour écrire, en fait. Enfin, il y a trop d'aller et venu, et moi j'ai besoin de beaucoup de tranquillité. Et c'est vraiment un moment de détente, quoi. Je suis pas en phase de recherche, d'écriture. Au-delà du travail, d'être... Vous regardez pas les gens en essayant de deviner qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que lui, il fait ça? Est-ce qu'il est avec elle? Est-ce que il est en train de lire une lettre d'amour? Est-ce qu'il vient de se faire larguer? Est-ce que... Bah, pas du tout. En fait, enfin, j'observe les gens, mais c'est pas forcément ce qui m'inspire pour les chansons. Et disons que je suis pas une bonne raconteuse d'histoire, en fait. J'ai ce sentiment-là au niveau du texte. Donc, c'est pas cette matière-là que je prends, en fait. Vous jouez plus la situation? Bah, plus une histoire de ressenti, d'état d'âme, quoi. Pas de description de scène, comme par exemple peut très bien le faire Renan Luce, qui sait vraiment très bien. Il y a une situation, un tel personnage, il lui arrive ça, quoi. C'est très. Voilà, ça, c'est pas ma capacité, en fait. Et les cafétérias? Pareil. C'est totalement hors sujet, cette question. Bravo. On est sur les bistrots. Non, mais je crois qu'elle était sérieuse, en fait. C'est ça qui est très drôle. C'est bien. Est-ce que vous pouviez définir cafétéria, Clara, s'il vous plaît? La flunch? Ah, est-ce que vous aimez le flunch? Si Charline nous entend, là, c'est terminé. Hein, je vous annonce son décès. On sent que dans votre écriture, il y a quelque chose de flunch. On sent les légumes à volonté, à un moment donné. On sent que, tiens, je vais reprendre des frites. On sent les fibres dans l'écriture. Non, mais non, pas du tout. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les bistrots. Il y a un côté aussi très... Enfin, très populaire dans les cafés aussi, mais en même temps, dans le bistrot, il y a un petit côté aussi... on est dans le luxe et dans le populaire en même temps, en fait. Tout le monde y passe. C'est ça que j'aime beaucoup. Eh ben, écoutez... Et on est dans l'Auvergnat. 60%, ce qu'on apprend dans cet article de Libération, 60% des cafés, des bistrots sont encore tenus par des Auvergnats. Oui, voilà. Et tout pas seulement fait. Par des Chinois. Contrairement aux idées reçues. Voilà. Une émission, on apprend des choses, bien évidemment. Et ça, c'est important. Et vous, est-ce que vous connaissez la tradition de fin d'émission, Pauline Croz? Ou est-ce que vous essayez de l'oublier? Celle qui vous crame complètement auprès de votre public. Celle qui vous oblige à participer à un sketch avec nous, qu'on vous donne, que vous ne connaissez pas, que vous découvrez. Là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, deux inspecteurs essayent de chercher la cause de cette pluie terrible. Et viennent sonner à votre porte, on sait jamais. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Alors voilà, nous visitons tous les saltimbanques. Non, on dit intermittent. Ah oui, en plus précisément les ménestrels. Oui, on dit chanteur. Oui, enfin bon, c'est pareil, hein, madame a compris. Oui. Donc, on vient vérifier si des fois, ça viendrait pas de chez vous. Mais qu'est-ce qui viendrait de chez moi, une fuite? Ah bah oui, ça oui, une grosse. Non, en fait, mon collègue veut dire c'est que toute cette pluie partout, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, mais... Voilà, bah nous non plus. Non, voilà. Mais pourquoi vous venez chez moi? Eh bien parce que... Oh là, on n'a pas commencé par vous. Ah oui, la prétention, non, non, prétention. Non, non, on est tout de suite allé vérifier chez Patrick Bruel suite à ses reprises de Barbara, voilà. Vous avez été voir Lara Fabian ? Oh, vous n'allez pas nous apprendre notre métier. T'es allé chez Lara Fabian. En général, c'est elle qu'on va voir en premier quand il y a alerte orange, mais là, rien, pas un titre, pas une préparation, pas une répète. Bien sûr. Ben, ouais, et puis, puisqu'il fait super beau en Bretagne, on a trouvé sa louche. Alors, on est allé voir Nolwenn Leroy. Ouais. Et la télé-réalité ? Ah, alors, ah, vous pensez bien qu'on a profité de l'état d'urgence. Hein, on a assigné à résidence tout The Voice et toute la nouvelle star. Mais non, mais pas André Manoukian. Ah, c'est oui. Le premier qu'on a coffré, mesure préventive. Évidemment. Mais pourquoi moi, en plus, je suis née à Noisy-le-Sec ? Oh, on voit tout le monde, Madame Croze. Oui. Vous êtes allée voir Marianne James ? Il y a déjà un isolement. Garou ? Garde à vue. Carla Bruni ? Non, après expertise, on l'a relâché, hein, pas assez de charge. Bah, ouais. Je vois, mais qu'est-ce que vous me reprochez à moi ? Ben, c'est-à-dire qu'on peut rien vous dire, c'est ordre du préfet. C'est... Mais bon, vous avez peut-être quelque chose à nous dire, ah, oui. Hein. Bon, ok, j'avoue. Ah, quand même ! Madame se met à table. Oui. Je travaille actuellement sur un album de reprise de Michel Thor. J'adore Michel Thor. Tais-toi ! Mais toute seule comme ça, dans ma douche, je voulais rien faire de mal. Oui, oui, bon, on la connaît, la chanson. Oui. Et ça donnait quoi ? Montrez-nous voir. Bah, ouais. Emmenez-moi. Ouais, bah, celle qui connaît pas. Coffrez-moi tout ça. Terminé, c'est de sa faute. On connaît pas le répertoire de Michel Thor. Ah, le refus d'obstacle caractérisé. On vous l'avait mis à la fin. On s'est dit là, on va voir. Hein, ça reprend de la bossa nova. On est tranquille avec Jobim, mais Michel Thor. Ben bah, voilà. Bon alors, ce concert du 16 juin, c'est le premier par rapport à cet album. Oui. Tout à fait. Comment il se prépare un premier concert ? Est-ce qu'on sait ce qu'on va chanter ? Dans quel ordre ? Ouais, il se prépare tranquillement avec, en gros, l'équipe de musiciens de l'album, sauf le batteur, en fait. Et donc voilà, un guitariste, deux choristes, un batteur percussionniste, et avec des séquences de sons. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir des sons qui sont bouclés. Superbe, le 16 juin. Ouais, voilà, je dois vous couper parce qu'on doit dire au revoir. On sera pas à Lyon demain, on vous demande un grand pardon. Pauline Croze, Bossa Nova, et le 16 juin au Café de la Danse. Merci, et Charline, bon rétablissement. Et Mister, les moustaches dangereuses.